Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 38. De la contention ou dispute. La contention, sa gravité, son origine. 1. La contention ou dispute est-elle un péché mortel? Dans l'Épître aux Galates, la contention est placée au nombre des œuvres de la chair qui empêchent d'obtenir le royaume de Dieu. Galates 5, 21. Elle est donc un péché mortel. Il faut bien entendre toutefois en quoi elle consiste. Qui dit contention, dit opposition dans les discours. Mais l'opposition dans les discours peut s'envisager de deux manières, quant à l'intention et quant au mode. Disputer avec l'intention de combattre la vérité est une chose répréhensible, au lieu que si l'on a l'intention de combattre l'erreur, c'est un acte louable. De plus, si le mode de la dispute est inconvenant à raison des personnes ou des choses, la contention est blâmable, tandis qu'elle est digne d'éloge, si ce mode est convenable et pour les personnes et pour les choses. Contredit-on la vérité avec un mode déréglé, la contention est un péché mortel. Défend-on la vérité avec un mode convenable, la contention est méritoire. Celle qui combat l'erreur avec un mode déréglé est un péché véniel. Note. L'acte de la contention consiste à combattre sciemment une doctrine vraie. Tel n'est point le cas des catholiques disputant contre l'hérésie. Une certaine vivacité de langage n'est pas une faute mortelle. On peut toutefois pécher véniellement en défendant la vérité, et même causer quelques scandales. C'est ce qui faisait dire à l'apôtre, « Ne vous livrez point à des disputes de paroles, elles ne sont bonnes qu'à pervertir ceux qui les entendent. » 2 Timothée 2, 14. Fin de la note. 2. La dispute vient-elle de la vaine-gloire? Si la discorde est fille de la vaine-gloire, parce que ceux qui sont en désaccord s'attachent à leur propre sens, il en doit être de même des disputes, où chacun défend son propre sentiment. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.